Thank you. Thank you. Bruce Springsteen. Comme tu dis, c'est bien la musique cowboy. Je sais pas si les cowboys ou Springsteen. Ça va trop vite. Thank you. chiant ce métronome. Hein. Give yourself away. Tout à l'heure, j'étais en mode solo. Oh mec, j'avais ça fait. C'est bizarre, on n'entend plus rien. Oh mon Dieu! Mais tu fais de la basse, ok? Box, ça me dit quelque chose, truc, ouais. Truc orange. Il y a les amplis orange, et maintenant il y a les batteries orange. C'est joli cette couleur. Vas-y, fais écouter. J'ai toujours ma vieille Roland. Toujours la TD6. Ça marche, j'ai fait un réglage. Le problème, c'est que sur EZ Drummer, j'arrive à avoir que deux sons de cymbales. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Attends, comment on fait? Attends, je vais essayer de faire écouter. Tu vas me dire si c'est. C'est la dobe. Putain, ça coûte cher leur dobe. Hein. travaille chez comment ça s'appelle ta marque là? Tu travailles chez Debox toi? Ouais mais moi j'y connais rien. Je sais pas, je fais un réglage et puis ça me gave vite. Drum. Bah là, tu vois ça marche plus. Trop belle. Avant ça marchait. Mais ça c'était avant. Jazz. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait le ménage. Ça a disparu. Midi. Ah d'accord, il est en train de charger là. Il est en train de charger le drummer.